En effet, les jours précédents, il avait plu pendant 60 heures sans discontinuer. La Garonne était très grosse depuis la veille, mais nous avions confiance en elle. Et, tant qu'elle ne débordait pas, nous ne pouvions la croire mauvaise voisine. Elle nous rendait de si bons services. Elle avait une nappe d'eau si large et si douce. Puis, les paysans ne quittaient pas aisément leur trou, même quand le toit est près de crouler. « Bah ! » m'écriai-je en haussant les épaules. « Il n'y aura rien. Tous les ans, c'est la même chose. La rivière fait le gros dos, comme si elle était furieuse. Et elle s'apaise en une nuit. Elle rentre chez elle, plus innocente qu'un agneau. Tu verras, mon garçon, ce sera encore pour rire cette fois. Tiens, regarde dans le beau temps. » Et, de la main, je lui montrai le ciel. Il était 7 heures. Le soleil se couchait. Ah, que de bleu! Le ciel n'était que du bleu, une nappe bleue immense, d'une pureté profonde, où le soleil couchant volait comme une poussière d'or. Il tombait là-haut, une joie lente, qui gagnait tout l'horizon. Jamais je n'avais vu le village s'assoupir dans une paix si douce. Sur les tuiles, une teinte rose se mourait. J'entendais le rire d'une voisine, puis des voix d'enfants au tournant de la route, devant chez nous. Plus loin, montaient, adoucis par la distance, des bruits de troupeaux rentrant à l'étable. La grosse voix de la Garonne ronflait, continue, mais elle me semblait la voix même du silence, tant j'étais habitué à son grondement. Peu à peu, le ciel blanchissait, le village s'endormait davantage. C'était le soir d'un beau jour, et je pensais que tout notre bonheur, les grandes récoltes, la maison heureuse, les fiançailles de Véronique, pleuvant de là-haut, nous arrivaient dans la pureté même de la lumière. Une bénédiction s'élargissait sur nous, avec l'adieu du soir. Cependant, j'étais revenu au milieu de la pièce. Nos filles bavardaient. Nous les écoutions en souriant. Lorsque tout à coup, dans la grande sérénité de la campagne, un cri terrible retentit. Un cri de détresse et de mort. « La Garonne ! La Garonne !»